Tu es d'origine russe? Oui, ma grand-mère est née en Russie. Elle est venue en France au moment de la Révolution. Elle est arrivée à Paris sans argent. Et elle est tombée amoureuse de ton grand-père français. Exactement. 2 semaines après son arrivée. Ils sont restés très peu de temps à Paris. Ils sont vite descendus dans le Midi. Ma mère est née à Nice. Et ils ne sont jamais retournés en Russie? Jamais. Ma grand-mère est devenue une vraie niçoise, excepté pour son accent. Elle est morte chez elle, à Nice, en 1990.